Et dis j'aime Hitler, mais je ne le pense pas qu'on me tienne en joue. Et je tue ma mère, mais je ne le fais pas qu'on me tienne en joue. Et je pense à toi, mais je ne le dis pas qu'on me tienne en joue.